Vous écoutez France Inter, il est un peu plus de 17h06 à 18h, le journal de Florence Paracuelos. Et si tu écoutes, j'annule tout, Charline Vananecker. Merci Dominique Delaroa. Alors, faut que je vous informe, on me signale aussi que, outre le massage thaïlandais qui a été annulé hier, on a annulé votre pédicure aussi. Ah, c'est moins embêtant. Annulation sur annulation. Hein. Oui, je vois ça. Si vous voulez prendre soin de vous, là, c'est foutu. Ben, Charline, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous prends un rendez-vous demain? Comment on fait? Eh ben voilà. Ok. Très bien. Bah, en attendant, comme c'est annulé, vous pouvez nous écouter. Voilà, très bien. C'est super. Bon, c'est quand même bien fait. Hein. Je gagne au champ. Là. Merci Dominique. Allez, écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin. Salut Charline. Salut les amis. Ah, oh, je suis éreintée. Quoi? Non, mais je rêve d'un bain chaud avec un massage. Bah, très bien, on va chercher des sujets alors. Bah, Alex. Bon, oui, c'est normal, quand Charline a une faiblesse, eh ben, c'est moi qui organise. Allez. Ah, bah, très bien, il y a un sujet sur le RSA. Ah, ah ouais, okay, ah, bah, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Il fait chaud, non? Quoi? Quelqu'un peut aller me chercher un père hirondelle? Non, mais attends, on va trouver les sujets avant. Ah, non, j'aime pas attendre. J'ai mis un papier sur Bernie Sanders. Ah oui, c'est bien, le candidat démocrate aux États-Unis. J'aime bien. Moi j'aime bien Charline. Ah, bah, aucun avis là-dessus avant que j'ai posé mon vernis, tu vois. Ah, tu fais ça toi? Bon, je fais ça. Ma manucure fait ça. Bon, on a déjà deux sujets. Ouais, voilà. Mais aucun sur lequel Charline a un avis. Oui, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Non, mais... dites donc, je vous entends là. Hein. Je veux dire, si vous n'êtes pas content, c'est dehors. Hein. Moi, je suis pas d'humeur à me faire insulter par le petit personnel. Hein. Bon, voilà. Troisième sujet, là. Il y a un truc sur les caprices d'acteurs. Là, du coup, je pense que Charline a un avis là-dessus. Oui. Ah bon, bah, pourquoi? Bah, en matière de caprices, excuse-moi, mais depuis ce matin, tu fais le job. Voilà. Ah oui, je vous ai bien eu. C'était pour rire, mais enfin, je l'ai vu ce sujet, bien sûr. Je voulais faire le coup de l'animatrice capricieuse. Je me suis dit, mais quel connard! Ça a marché, mais non. Allez, sérieusement, allez, au boulot. Alors, donc, Guillaume, ben, massage. Quoi? Alex Péri-Rondel, puis les filles, appelez ma manucure. Là, j'ai déjà 15 minutes de retard. Non, mais, moi, une connasse. Mais non. Bonjour la France Inter, bonjour à tout le petit personnel de la Terre, bonjour à tous. On est là. Vous écoutez l'émission qui saute à pieds joints dans l'actualité et voici les trois informations qui vont éclabousser jusqu'à 18h. Une idée est née dans le Haut-Rhin, conditionner le versement du RSA à 7 heures de bénévolat par semaine. Mais évidemment, puisque le pauvre est fainéant, même quand on lui propose du travail. Merci pour le boulot Michel, mais j'espère que ça commence pas en septembre parce que je dois passer chez ma sœur à Uzès. C'est encore l'été indien là-bas. Suspense chez les démocrates américains. Bernie Sanders pourrait passer devant Hillary Clinton dans la course à l'investiture. Bernie Sanders se dit socialiste et ça aux États-Unis, ça veut dire très très très à gauche. Hein. Bill, on est devenu des putains de cocos. Vache, j'ai des boutons qui poussent, j'ai la peau qui fond, les yeux qui saignent. Les métiers du cinéma constatent que les acteurs la ramènent un peu moins. Après la dénonciation de salaires exorbitants et de gros caprices, ça les ramène tout doucement, nos étoiles, sur Terre. Rappelons qu'il y a peu, ça se passait plus ou moins comme ça. Et me voilà au Sri Lanka, anciennement Ceylan, à trois plombes du mat, à la recherche de 1000 M&M's bruns pour remplir un verre à dégustation. Sinon, Ozzy refusait de monter sur scène ce soir-là. Et moi, je suis accompagnée de celui qui n'exige que des gaufres dans sa loge, toutefois accompagnée du 06 de la pâtissière. C'est Alex Vizorek. C'est pas entièrement faux. Bonjour Charline Vananecker et bonjour à tous. Aujourd'hui, une belle équipe autour de la table, 17h20. Elle nous parle musique. Mais si elle était jurée au Ballon d'Or, elle ne remettrait pas Lionel Messi, elle aurait voté Claudio Caniggia. Vous je ne comprends pas. Vous le connaissez pas. Mais moi non plus. C'est exactement ce qui m'arrive avec vos chroniques. Bonjour Mélanie Bauer. Aujourd'hui, je suis dans le ton. Je vais rester comme vous. Le mot du jour, c'est ego trip. Très bien, je me reconnais. Bien vengé. À 17h30, parfois, il va sur place pour emmerder les gens. Mais il y a aussi la livraison à domicile par téléphone. Oui. Et c'est passé aujourd'hui, Guillaume Meurice. C'est le cas. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Effectivement, parce que j'ai contacté le fameux Eric Stroman, le président du conseil départemental du Haut-Rhin, qui plaide donc pour du bénévolat en échange du RSA, alors qu'il n'y a déjà pas de boulot pour tout le monde. C'est vous qui cherchez à trouver une faille dans un raisonnement qui en soi n'est pas construit logiquement. Voilà, j'ai cherché des failles dans un raisonnement pas logique, hein. Du coup j'en ai trouvé quelques-unes. J'imagine. Et 17h40, il est à la science, ce que François Bayrou est à la politique française. On ne sait pas très bien ce qu'il fout là, mais parfois on sent qu'il sait de quoi il parle. Bonjour Marius Colucci. Oui, voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous parler du rôle du cerveau sur la santé. Ah, vous intéresse fort. Et le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous relancez votre votre carrière de comédien dans la saison 4. Oui, ça vous a l'air, ça, ça... Non, non, formidable, oui, de Gaulle. Non, ouais. Non, ça me paraît tellement loin, mais non, pas, mais pas, c'est pas tant que ça. Non, ça, pas tant un que ça. Poil vintage. Oui, oui. Et donc, vous relancez votre carrière de comédien dans la saison 4 de Kaamelott en 2009, quand le RSA vient remplacer le RMI. Vous jouez dans Braco, la série de Canal, en 2011. C'est l'année où sort Intouchable au cinéma. Et on vous retrouve d'ailleurs au cinéma dans Radio Star en 2012, quand The Artist reçoit l'Oscar du meilleur film. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ah, je suis Pascal de Molon et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Oui, ah, Pascal de Molon. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Pascal de Molon, mais oui, vous n'y croyez plus. Avant Kaamelott, saison 4, une rencontre avec Alexandre Astier. Puis aujourd'hui, on vous voit, par exemple, ce soir au théâtre. Oui. Tiens, Lisbonne ou Grenade, de notamment Benabar. Ah, non, avec... qui a changé de titre entre-temps. Ça a changé de titre. Voilà, on vous a pas informé, et ça, c'est pas chouette. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. On apprend en ira de Gaulle. Déjà, dites-nous pourquoi ça a changé, alors. Alors, parce que, un petit moment, après les événements malheureux qui ont voilà, attristé la France, les attentats, voilà. On a eu un petit souci avec ce titre, parce que Grenade étant un mot qui avait claqué dans le cerveau de chacun d'entre nous, on s'est dit oui. Et voilà, claqué aussi dans d'autres circonstances. Et ça ah nous bon, gênait même de... si le référent est la ville. Alors oui, mais très vite, quand on disait le titre, les gens faisaient le ah lien bon avec la Grenade. Oui, oui, ah c'est oui pour dire que c'était ça très... Ça va loin, quoi. Oui, oui, oui. Il y donc avait une caricature de Mahomet aussi sur l'affiche avant. Hein, pour le... voilà, alors, je aussi reprends. Vous êtes au théâtre, dans Je vous écoute, oui, une ça comédie de Benabar et Hector Cabello-Reyes. On peut vous voir jusqu'au 30 avril à 21h et Alex Vizorek est allé voir la pièce sous son bon titre. Ah oui, oui, oui. Et surtout, moi, depuis Radio Star, Pascal de Molon, c'est mon acteur préféré. Alors, on va y aller tranquillement. Oh là là, je l'ai trouvé formidable. Et c'est super de vous voir arriver sur le tard parce que c'est une génération duquel on ne voit pas toujours sortir des acteurs. Et vous êtes second rôle du cinéma français pour l'instant, mais je suis certain que ça ne durera plus. Mais que donne-t-il au théâtre? Ben, moi, j'ai adoré. Je trouve que la pièce, elle est hyper drôle. On va la pitcher un peu. Ça se passe chez le psy. Le psy, c'est Benabar. Et débarque un gars un peu taré. Ça, c'est vous. Ou tendu, on dirait, simplement. Oui, il a un petit ouais souci qu'il aimerait régler dans les plus brefs délais, quoi, on va dire. On peut donner le souci, parce que oui, c'est le début oui du nœud de la pièce. Oui. Et ben, il est à peu près convaincu, et même à 97,5% convaincu, que le psy est pour... responsable dans le départ de sa femme. Sa femme qui consulte ce psy depuis 2 ans et sans tomber dans le vulgaire, aux frais du mari. Voilà, qui se fait voilà un plaisir de régler les séances. Il explique cette phrase que j'avais une très grande maison avant qu'elle vienne chez vous et vous une petite et maintenant c'est vous qui avez la grande et moi la petite. C'est ça exactement. Oui, tellement, oui, non, mais ça encore c'est pas le plus important, le fait que voilà, mais je pense que c'est un homme véritablement malheureux et qui n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions ou d'accepter les réponses qu'elle avait, c'est-à-dire sa responsabilité à lui dans le départ de sa femme. Donc il vient dans un premier temps effectivement pour demander des comptes à ce bonhomme et puis lui demander très clairement de la faire revenir. Voilà. Il pige pas très très bien ce que l'intérêt d'un psy, lui il vend des cuisines. Ben oui, c'est oui ça exactement. Donc il a priori pas d'a priori, oui. il va finir voilà quand même par en avoir. Et puis, ce que je trouve charmant et vraiment touchant dans cette pièce, c'est que ces deux types qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, qui n'ont pas grand-chose à se dire, vont s'apercevoir au fur et à mesure du temps qu'ils passent ensemble que tout est possible et même le meilleur. C'est-à-dire se parler, se rencontrer, se comprendre. Et celui qui était supposé être psychanalysé va se retrouver à psychanalyser celui voilà qui était supposé voilà vous m'avez compris. Hein, aussi propre. Moi, il me manque des mots parfois, vous inquiétez pas. Donc, hein. Les répliques sont très drôles, les vannes tombent bien, c'est la paire d'acteurs qui fonctionne. On est dans ce qu'au cinéma on appelle le duo typiquement. Enfin, c'est rapport au fait que vous soyez deux. C'est les duos à la Weber, c'est-à-dire que il y a le un peu le crétin et un peu l'autre qui le prend de haut. Alors, et ça marche crétin, à deux. Alors, je suis désolé de devoir vous le dire, Pascal de Molon, et pourtant je vous aime énormément. Mais... Comme c'est Benabar qui a écrit la pièce, il ne s'est pas donné le rôle du crétin, j'imagine. Non, mais d'ailleurs, c'est amusant la manière de la distribution. Quand on pose la question à Benabar, lui-même ne savait pas ce qu'il allait jouer dans la pièce alors qu'il en est le co-auteur. Il savait pas non plus forcément le rôle qu'il allait incarner. Et puis ça s'est fait un petit peu comme ça, je dirais pas tout à fait par hasard, mais de lecture en lecture, les choses se sont... se sont mises en place voilà naturellement. Donc effectivement, allez savoir pourquoi je suis celui qu'on nomme le crétin. Je dirais plutôt un type le bon sens près de chez vous, pour être plus précis. Ça vous donne plus de jeu quand même. Pouvoir faire ce personnage-là. Oui, mais celui de Benabar est truculent aussi parce que effectivement au départ c'est le mec qui écoute et ça va devenir celui qui parle aussi et qui parle de lui. Et on s'aperçoit que c'est pas forcément celui qui a le plus l'air malheureux qui l'est, et vice-versa. Il y a beaucoup de vice-versa dans ce que je vous dis. C'est le principe de la pièce. C'est le principe de la pièce. Que si vous n'aimez pas les psys, allez-y, parce que c'est une vraie critique. Je sais pas si vous allez avoir un problème avec les psys, mais en tout cas, il y va et tous les clichés sont bien mis en évidence. Et ça s'appelle Je vous écoute, qui, à l'écoute du pitch, semble beaucoup plus logique que Lisbonne ou Grenade, qui était le titre initial, de Benabar et Hector Cabello Reyes. Avec Benabar, avec Pascal de Molon qui est notre invité, et avec Zoé Félix. Oui, c'est au théâtre Tristan Bernard. Ah, fallait le dire avant ça. Oui, Zoé Félix, jusqu'au 30 avril. Oui. Indique les paroles, c'est français, c'est la French Touch, c'est Air, Kelly Watch the Stars, sur France Inter, nous sommes en compagnie de Pascal de Molon, que vous pouvez voir au théâtre Tristan Bernard dans Je vous écoute, avec Benabar et Zoé Félix, du mardi au samedi à 21h, et Alex autour de cette table. Et autour de cette table, il y a Guillaume Meurice, il y a Marius Colucci et il y a Mélanie Bauer. Absolument. Pascal de Molon, vous êtes féru d'actualité, vous suivez un petit peu? Oui, pour tout vous dire, oui, j'essaie. Ouais. Ouais, bon, alors vous êtes un homme averti, on va passer vraiment au contenu. Hein. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Marine Le Pen sera candidate au présidentiel de 2017. Mais non. Si. Jean-François Copé est innocent dans l'affaire Big Malion. Mais non. Si. Et il y aura des brèves dans ce journal. Mais non. Si. Dingue. Le l'exclusivité de l'exclusivité. Mais oui, on commence par cette phrase de Manuel Valls, ouvrez des guillemets. La menace terroriste sans doute encore plus importante qu'avant le 13 novembre. Vous voulez que je traduise parce que je parle parfaitement catalan. Ah oui, oui, ça veut dire voter pour moi. Voilà. Ah oui, c'est bien le catalan, c'est voilà, c'est plus long. Hein. Front National à présent. Hier soir, Marine Le Pen était l'invitée dans le JT de TF1 et elle s'est qualifiée de candidate de la vérité. Voilà, Marine Le Pen qui, rappelons-le, a été récompensée vendredi dernier par la presse du titre de menteur politique de l'année. Pas de chance pour la candidate de la vérité. Et on reste au FN avec Marion Maréchal Le Pen. Oui, invitée ce matin chez Jean-Jacques Bourdin et elle maintient qu'elle est contre le port du djellaba et la bourde. De là de là oui, ah oui, de là. On peut même dire de la djellaba. De là, djellaba et Bourdin fait son coming out. C'est vrai voilà. Que quand on est français. C'est agréable de porter la djellaba. Mais je doute que c'est. On s'est aéré, j'imagine. Quand oui. Il fait chaud, ça doit être agréable. Oui. Mais lorsque l'on arrive dans un pays, on en respecte. Ou des babouches. Mais oui, ou des babouches. Bah, mais sûr. Oui, c'est vrai que c'est aéré la djellaba. Mais oui, aéré comme les idées de Marion Maréchal. Exactement. Jean-François Copé, à présent, il a écrit hier sur sa page Facebook. Je le cite. Hein, je cite. Attention, je cite 10 ans de Jean-François Copé. Attention, attention. Ça se joue. Hein. Convoqué par les juges en tant que témoin assisté et après 5 heures pendant lesquelles j'ai pu à nouveau dire mon innocence. Ils ont décidé que rien, effectivement, ne justifiait que je sois mis en examen. J'en éprouve, après toutes ces épreuves, un sentiment de justice et une profonde émotion. Moi aussi, c'est tellement beau, une phrase de Copé avec dedans innocence, justice et émotion. C'est beau, c'est beau. Allez, gardez un peu d'émotion, parce qu'on a retrouvé Éric Besson. Mais non, mais attendez, là, c'est beaucoup d'un coup. Oui, je sais. Où c'est ça beaucoup, c'est beaucoup. Dans le journal L'Équipe, ouf. Il a servi d'intermédiaire à l'OGC Nice et il pourrait continuer à travailler dans le milieu du football. Ah, mais ça, c'est un milieu pour lui, le football, parce que quand on change de club tous les ans, eh ben, on est considéré comme un héros. C'est pour lui, Eric, reste là. Politique encore avec ce scoop de Closer. Oui, on apprend que Nathalie Kosciusko-Morizet va participer à un jeu de télé sur TF1. Oui, ça s'appelle les primaires des Républicains. Non, non, non, non, ah. c'est un vrai jeu de télé. Ah bon Action ou vérité, ça ah, s'appelle. Donc ça va, c'est pour inviter les politiques à jouer à Action ou vérité, ah, donc il y a un vrai suspense. Il y a un vrai quoi. Suspense, hein, voilà. On ne sait pas lequel lettre ça va tomber. Technologie à présent, vous pouvez désormais mesurer le QI de votre chien. Oui, des scientifiques ont mis au point une série de tests pour mesurer et comparer l'intelligence des canidés. Voilà, Brigitte Bardot va être terriblement surprise quand elle va se rendre compte que son chien en a plus qu'elle. International. Oui, en Suisse, un détenu de 70 ans refuse de continuer à travailler car il estime qu'il a droit à la retraite. Contrairement à Serge Dassault qui pourra enfin partir à la retraite une fois qu'il sera en prison. Musique, enfin. Le Rouge et le Noir va être adapté en comédie musicale avec des chansons de Zazie. Sale coup pour Jeanne Masse. Et on termine. Oui. Mais évidemment, on est obligé. On termine par une brève. Une brève. Sa compagne prend trop de place dans le lit conjugal. Il le divise en deux en traçant une frontière au laser. Bien joué, mon gars. La colonisation, ça commence là aussi. C'est 17h24 sur France Inter. Nous revenons à une actualité normale en compagnie de notre invité Pascal Demolon. Premier sujet avec vous. Effectuer 7 heures de bénévolat par semaine pour pouvoir toucher le RSA. C'est une décision prise par le conseil départemental du Haut-Rhin. Le département compte 20 000 bénéficiaires du RSA. Donc d'un coup, ça va faire beaucoup de bénévolat. Hein, c'est beaucoup. Mais c'est bien fait pour eux. Hein. Ils n'avaient qu'à pas s'habituer à rien faire, ces chômeurs, tout ça. Dans la mer des pauvres, les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Dans la mer des pauvres, quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Dans la mer des pauvres, et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y aurait pas toute cette misère. Mer des pauvres, mer des pauvres, y en a nanana, y en a mer des pauvres, oh oui, mer des marre des pauvres, c'est Didier Super qui chante, il y en a marre des pauvres, et c'est vrai, merde, il faut le dire, écoutez, voilà. Pascal Demolon, ça n'a pas toujours été facile d'être comédien, vous avez fait plein de petits boulots, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'aide de l'État, voire vécu d'aide de l'État? On est supposé dire la vérité, avec la vérité, j'avoue. Ouais. Action ou vérité? Alors, écoutez, ou votre personnage dans oui, la pièce, hein, si oui, vous ça voulez, m'est si c'est très libre, vous savez. Non, ça m'est arrivé, j'ai même une petite anecdote, un jour, bon, bah, il faisait froid, comme dit l'autre, la bise étant venue. Je me suis retrouvé contraint d'aller à un organisme voilà qui était supposé nous proposer un remboursement de carte orange, ce qui nous permettait de continuer à chercher du travail, à se déplacer sans se faire choper par les gars de la RATP quand on passait le tourniquet parce qu'on n'avait pas la rondelle à mettre pour acheter le ticket. Donc je me présente un peu, voilà, pas très fier de moi, la tête basse. Et au bout de quelques minutes, le type qui me reçoit m'explique que je ne peux pas pourvoir, enfin qu'il ne peut pas lui me rendre le service de me rembourser de cette carte orange puisque je n'avais aucun revenu. Je lui dis mais c'est la raison pour laquelle je suis en face de vous. Mais très sérieusement, il me dit mais oui, mais ça n'existe pas, ne pas avoir de revenu quelconque. J'ai fini par lui dire que j'avais une tante qui m'envoyait de temps en temps un peu de sous, voilà, pour les fins de mois. Il me dit non, soyons sérieux, je vous demande. Mais je vous dis, je me répète, c'est pour ça que je fais cette démarche. Je viens, elle est pas très joyeuse non plus, de venir vous voir pour vous dire est-ce qu'il n'y aurait pas moyen. Donc, vous racontant ça, pourquoi ? Juste pour dire oui, ça m'est arrivé de pas tendre la main, mais aller dans le sens des services qui étaient supposés être rendus par voilà, la société. Parce que là, donc, par exemple, il y a Éric Ciotti qui propose que les chômeurs qui refusent deux propositions de travail, on leur retire le RSA. Mm-hmm. Et puis là, dans le Haut-Rhin, c'est le conseil départemental qui dit, voilà, ceux qui touchent le RSA, ce sera conditionné au fait qu'il faudra être bénévole. Vous, alors, avec quel regard vous avez là-dessus Vous avez le droit aux insultes. Pas plus. Non, le bénévolat contraint forcément. Oui, mais vous le dites très justement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui sont pauvres, bientôt ça va devenir un luxe qu'il va falloir payer. C'est-à-dire que c'est un peu ça la formule, c'est ce qu'ils proposent de faire. C'est-à-dire, mais c'est encore une fois pas prendre ses responsabilités sur trouver et réfléchir dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de stigmatiser ceux qui déjà se sentent malheureux par la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que, voilà, tu vas être pauvre, et ben voilà, tu vas l'être, on va te donner un peu de sous, mais pour ça, tu vas travailler. Là, moi, je connais pas quelqu'un qui n'a pas envie de mettre sa veste pour aller au boulot. J'en connais très peu. Il y a des petits marlous qui essaient de profiter du système. Des marlous, vous dites. Oui, c'est à l'époque de certains copains que j'avais, Audiard et d'autres. On se marie bien à l'époque. Non, juste... Parce qu'on peut pousser aussi la logique en se disant, les intermittents du spectacle, pendant qu'ils intermittent, est-ce que n'allaient pas faire du bénévolat. Oui, on nous appelait les intermitteurs à une époque. Encore une fois, moi, je connais pas de camarades, qui veulent rester à la maison et puis se dire c'est formidable, on a un statut, on va être pris en charge par la société. On n'a pas envie de ça. On a envie de faire fonctionner la société comme et tout le monde. Puis pour faire du bénévolat, il faut aussi peut-être avoir une envie pour le faire avec cœur. C'est généralement l'idée du bénévolat. Je ne sais pas si autour de cette table vous êtes. Je voulais revenir à votre filmographie. Discount, c'était un film aussi sur la précarité. Absolument. Sur des gens qui essayaient de s'en sortir par eux-mêmes. Et... Absolument. Et qui, en fait, somme toute, combattent pour une chose. Et vraiment, ça, je peux en témoigner parce que j'en connais quelques-uns. C'est pour garder leur dignité. C'est-à-dire que, effectivement, quand on dit ça dans un micro ou ailleurs, ça fait un peu comme si on citait du Zola. Non, mais la dignité, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont très courageux, très honnêtes, et qui se lèvent même parfois le matin, qui mettent leur réveil à 5 heures juste pour se donner l'impression qu'ils servent à quelque chose, alors qu'ils n'ont aucune adresse où aller pour aller justement travailler dans une fonction quelconque, c'est pas des gens qui demandent l'aumône, c'est des gens qui veulent être actifs, qui veulent participer, qui veulent être reconnus. Donc quand vous leur retirez leur courage, le courage de se lever, d'avoir leur travail où ils sont fiers d'aller, et quand on vous explique qu'on va mettre des caisses automatiques, que ça va être beaucoup plus simple, forcément la conséquence c'est qu'il y en a quelques-uns qui vont devoir rester définitivement à la maison. Quand il y a des espèces de procédures, de vice de forme dans l'esprit humain, pour des profits toujours plus grands. Forcément, il y a des gens où ça existe malheureusement. Non, c'est ça la formule. C'est-à-dire que moi, ce sont des gens qui n'en veulent pas à ceux qui ont beaucoup plus d'argent qu'eux. C'est simplement des gens qui commencent à en vouloir aux autres quand on leur retire ce à quoi ils aspirent en toute humilité et avec beaucoup de courage. Donc ça, parfois, ça crispe et ça fait de la tristesse et de la colère. Et on va en reparler tout à l'heure avec Guillaume Meurice. Heureusement que je donne la parole à Eric Stroman, dis donc. Vous n'êtes pas très gentil avec lui. Heureusement que je suis là. Surtout, ce serait pas un petit peu une façon de profiter quand même des gens qui sont au RSA pour qu'ils puissent filer des heures bénévoles et gratuites. Ça m'étonnerait. Et peut-être détruire de l'emploi non qualifié. Peut-être. Non, oh, là, ça, c'est très mauvais esprit. Très mauvais esprit. Oh là là. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça va tellement trop loin. Vous savez quoi? On va parler musique avec Mélanie Bauer. Qui est chômeur. Je suis chômeur. Je tiens à le dire. Si vous avez un petit boulot, à part France Inter. En dehors de chroniqueuse à France Inter. Je suis au chômage. On lance un aujourd'hui. Si vous voulez embaucher Mélanie Bauer. Oui, mais laissez-la quand même venir de temps en temps dans notre émission, s'il vous plaît. Aujourd'hui donc, exploration d'un genre musical spécifique au rap, l'ego trip. C'est pas parce que vous appelez De Molon hein, qu'il faut suivre particulièrement cette chronique. Attention, Frédéric Fromet, sortez de ce corps. Parenthèse historique, grâce à notre copain Wikipédia, le mot ego trip viendrait d'un magazine de hip-hop créé en 1994 à New York, un journal qui sera surnommé The Arrogant Voice of Musical Truth. Traduisez l'arrogante voix de la vérité musicale. Et dans cette émission, je peux le dire humblement, on s'y connaît en voix arrogante de la vérité, n'est-ce pas, Guillaume? Ah d'accord, ah, c'est, d'accord. Voilà. Bon, ad hominem, comme ça. Voilà, très bien, bah, je vais me venger. Premier exemple d'ego trip, un artiste que j'aime particulièrement, c'est King Jouf de Stupéflip. Moi, je rase carcapac et je t'attaque avec mon mac. La vie, une chose, frappe pas de quartier. Quand les lyrics frappent, mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage. Il parle beaucoup de lui et donc ça peut être considéré comme ego trip. Il parle bon, je vais vous expliquer. L'ego trip, c'est effectivement de parler de soi et puis de dire qu'on est le plus fort et qu'il faut qu'on nous écoute. Ça c'est important. L'ego trip. Donc, pour en savoir plus, j'ai déterré un vieux bouquin d'un linguiste, également journaliste. Je vous le montre. C'est Julien Barret qui donnait une définition pointue de l'ego trip dans son livre Le rap ou l'artisanat de la rime. Je cite : l'ego trip est un jeu fier de parler en son nom et de montrer qu'il maîtrise non seulement la langue française, mais aussi les structures harmoniques, les figures de style, bref, un jeu égocentrique. Un monde s'écroule, les rappeurs seraient fiers de maîtriser la langue française, Charline. Ah. J'en connais qui doivent s'étouffer hein, en entendant ça. Par exemple, Jacques Toubon, il s'en remet pas. Bah oui. Par exemple, Booba est un amoureux des mots et un des grands héros du genre avec des punchlines comme celle-là. Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en V? Ah oui. Pourquoi suis-je toujours en V? C'est logique. Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en V? Si les Pose-toi meilleurs. Pose-toi des questions. Non, qu'est-ce qu'il dit? Si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie? C'est donc une. c'est de l'écotrip. C'est comme un aphorisme. En étant en droit de se poser la question, il dit aussi les rappeurs m'envient, sont tous en galère. Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. Mais il a de la concurrence hein, avec son ennemi Rof et sa punchline ramène un miroir que je trouve un adversaire. Dans son livre, donc, Le rap ou l'artisanat de la rime, Julien Barret nous explique que le rap te parle à lui-même. C'est pour cela qu'il paraît si étranger. Hein, on comprend pas. Si on comprend pas le vocabulaire et les codes, et ben on est complètement paumé. Dans leur titre, les rappeurs expliquent leur processus créatif, détaillent la manière dont ils écrivent. Un pilote V6, hein. Vous aussi vous avez un pilote V6. C'est en quoi tant un pilote que V6 sabre c'est laser, un stylo. Dit par exemple à Kenaton dans l'école du micro d'argent, les rappeurs s'attribuent via l'ego trip des attributs gigantesques, des énormes sexes, des qualités viriles, mais aussi intellectuelles et lancent des défis. Ils font de la vantardise un art même qui se récompense par lui-même. Il y a eu les Oscars, il y a eu les Césars. Pour les très bons rappeurs, je crois que je donnerai les Solars de la rime, pas Solars de la rime, histoire de dire le problème. Il y a eu les Oscars, il y a eu les Césars. Pour les très bons rappeurs, je crois que je donnerai les Solars, disait MC Solar. Je disais donc, parmi les codes qui permettent de mieux comprendre le rap, l'ego trip est une des clés nécessaires à assimiler. Il n'est pas à prendre au premier degré, il est à prendre avec du recul, c'est de l'humour de rappeur, mais aussi de la virtuosité. Il s'agit de crier haut et fort qu'on est un de la rime, un héros du mot. Je terminerai donc avec un jeune projet débuté en 2011. Ils sont leur propre griot en fait. Oui, c'est ça. Parce que généralement on est griot de quelqu'un et là ils sont dit on va faire le job pour soi. Auto-griot. C'est malin, auto-griot. Voilà, avec de l'humour, hein. C'est ça qui est important à comprendre. Kadarveski qui sortent leur premier album Sensible sur le label des disques d'en face le 19 février. C'est un groupe de trois, la ville. Enfin, ils sont pas trois. Dans l'eau. Alors eux, c'est pas vraiment un morceau d'égotrip, mais c'est un morceau pour nous démontrer qu'ils sont les rois du flow. Il y en a deux sur l'album, ils sont en tournée en ce moment d'ailleurs. C'est Exercice de diction, là j'ai choisi le numéro 2 et ils nous montrent que c'est les grands rois du rap et les grands rap du rap et des rois, ça, voilà. Rois. Kadarveski. Quelle diction. Eh oui, magnifique. C'est comme la plus longue. masque et te mastique pendant que t'as mini-masque et que t'as minimal, stagne la mienne et mystique. Tu nous crois, Bruno cuit, tu nous cries, Bruno cru. Grand nous, on crée pour le prix et toi tu pries pour du cul. Frites et flûtes. Et t'es fan, il foutu d'alpha, l'usaphalique. Ville, t'as failli finir en saillie. T'es saisi, t'es saigné. T'as pas de souffle sur son, t'es saillé. J't'en saignais, t'en sais rien, ça y est. T'es saoulé, t'es sali, sous scellé. Seul s'en fout, les saoulés. Garde à vrai ski. Est-ce que les vrais skieurs restent qui les vrais skieurs? Garde à vrai ski. Est-ce que c'est la presse qui a presque? Karaté, t'es KO, ton carapate, bah, prends ton plat, pas au cas où. Tu pars à quatre pattes, à quatre mandous, j'te latte, mon dos droite, ton gros moi t'éclate, ton coup plaque, le tout sur du tout, tout, tout, tout, tac. Astique des dés, stick des dés, élastique, dès le réveil, astique des steps, dès que des steps, fantastique, et le revers. Deux minimales, j'ai deux minimales, des mina dominico miniman, moule minime animal, j'y mets le démené de menu dominica. Mon bison déguisé, pour toi j'aiguise mes bisous. Dans le bazar de ma valise, y'a la vaseline de tes visions. Un chasseur sachant chasser sans son chien, c'est sécher ses chaussettes sans séchoir, sachez-le. Cadavre et ski, exercice de diction. Qui c'est qui a la plus longue? Tu dis ski. En parlant de diction, tu dis cadavre et ski. Non, mais c'est le titre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, cadavre, c'est cadavre et ski, c'est cadavre et ski. Ah, esquisse. Ouais. Et puis exercice de diction, donc. Autant pour moi. Voilà. Autodérision, c'est voilà. Les plus forts, égotrip. L'égotrip selon l'égotrip. Mélanie Bauer sur France Inter avec Pascal de Molon, que vous pouvez voir au théâtre Tristan Bernard, tiens, par exemple ce soir à 21h, dans Je vous écoute de Benabar, avec Benabar et Zoé Félix. Et autour de cette table, Guillaume Meurice, ça va être son tour. Je vais d'abord citer vos deux petits camarades. Allez-y. Mélanie Bauer qui nous a parlé de rap et Marius Colucci qui prépare sa science. On va parler cerveau tout à l'heure. Guillaume, oui. Vous avez donc donné la parole à ceux dont on s'est moqué tout à l'heure. Oui, alors oui, vous avez été très dur. Ben oui. Je vais effectivement vous parler travail aujourd'hui. Alors, le travail, comment expliquer à Mélanie? En fait, il y a des gens qui sont payés pour faire autre chose que d'écouter des morceaux de chanteurs qui n'existent pas. Ah, vous c'est voyez, ça il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent, et il y en a d'autres qui aimeraient bien travailler, du moins c'est ce qu'ils disent, parce qu'on sait qu'en fait, on est essentiellement entouré de grosses feignasses. C'est la patrie de la cistana, la France, un cancer de la société, selon Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a certainement financé ses études à Louis Legrand, Henri IV, puis à l'ENA, en bossant au McDo à côté. Hein, donc un gars bien placé pour donner des leçons. Oui. Un autre type bien placé, c'est le président du conseil départemental du Haut-Rhin, Éric Stroman. Lui, il veut carrément obliger, on l'a dit, les allocataires du RSA à faire du bénévolat. Je l'ai donc contacté ce matin. L'objectif de sa proposition, c'est le retour au travail des allocataires du RSA, plus précisément. De reprendre pied dans une activité. Mais alors, ça veut dire qu'il y a des offres d'emploi dans votre département ? Je ne parle pas de fonds d'emploi, je vous dis. L'idée, c'est de retrouver pied dans la société à travers le bénévolat. Ah oui, mais vous me disiez que grâce à ça, ils pourraient éventuellement retrouver du travail. Parce qu'ils sont très éloignés du monde du travail. Oui, mais s'il n'y a pas d'offre d'emploi, ils ne vont pas retrouver de travail, du coup. Mais il faut aussi rapprocher ces gens du monde du travail. D'accord, je comprends. Travailler beaucoup et être payé que dalle, c'est vrai que c'est assez représentatif du monde du travail. Je dirais qu'il y a une vraie logique dans la démarche d'Éric. Alors, il y a des choses qui sont moins logiques, parce qu'un allocataire du RSA, c'est pas impossible que du bénévolat, il en fasse déjà. Alors, comment on fait ? S'ils ont une autre activité, tant mieux. Ça ne posera strictement aucun problème. Ils nous remettront tous les 3 mois une petite attestation qu'on mettra en ligne. D'accord, mais le bénévolat, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête ? C'est-à-dire aider son voisin à tondre la pelouse, c'est du bénévolat, par exemple ? Non, là, c'est de l'entraide de voisinage. Ah, alors ça se complique un peu. N'aidez pas votre voisin, hein, faites du bénévolat, mais au moins à 2 pâtés de maison de chez vous, hein, sinon ça compte pas, c'est assez précis. Ou alors faites-le dans une association, là je me suis renseigné, ça marche. Ah, du coup, demandez à votre voisin de monter une association de tonde de pelouse, ok ? Là, on sera bon. Non, mais c'est important de bien préciser, d'accord ? Alors, ce sont donc les conditions pour vous repaître de vos 500 euros par mois dans le Haut-Rhin. Mais imaginons que quelques bénéficiaires du RSA ne veulent pas faire de bénévolat. À ce moment-là, il n'y a plus d'argent, c'est bien ça ? Ah bah écoutez, ceux qui ne veulent pas se présenter à la commission, mais là vous êtes en train de stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Ah bon, c'est moi qui le fais, pardon. Bah oui, bah bien sûr, vous dites ils ne veulent pas. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit imaginons qu'ils ne le veuillent pas, imaginons qu'il y en ait quelques-uns. Imaginons, s'il y en a quelques-uns, ça sera quelques-uns qui ne seront plus dans ce fichier dans ce cas-là. Alors ils termineront SDF. Ils termineront SDF, ça je ne le sais pas, ça peut exister mais c'est très marginal. Oui, c'est très marginal les SDF, 3,5 millions de personnes en France sont mal logées ou sans abri, et effectivement elles sont à la marge. D'ailleurs moi je le vois bien, le SDF en bas de chez moi, le gars est à la marge. Clairement le sac plastique en guise de chapeau, c'est pas les tendances du moment mon pote. Le mec refuse de s'alimenter correctement, je l'ai même vu grignoter en dehors des horaires de repas, il est clairement à la marge. Nous bon, on se rend pas compte parce qu'on a de l'argent. Tiens, à propos d'argent, est-ce que Eric il serait prêt pour tenter le coup de vivre un mois avec le RSA? Mais c'est pas le problème, monsieur. Ben, si. Il faut poser la question à la ministre. Ah, mais moi, je vous la pose à vous. Non, mais attendez, c'est pas le problème du montant du RSA. Pardonnez-moi, là, vous déviez, c'est pas le sujet, hein. Ah, ben oui, mais c'est ma question. Non, mais bien sûr que c'est difficile de vivre avec 500 euros par mois. Mais est-ce que vous croyez que c'est pas difficile aussi de vivre avec 1000 euros par mois lorsqu'on est au SMIC et qu'on a des charges? Et oui, c'est difficile pour tout le monde, les SMICards, les classes moyennes et même les présidents de conseils départementaux. Seulement 5512 euros par mois, c'est 11 fois plus que le RSA. Mais je vais vous le dire, c'est trop peu. D'ailleurs, la preuve, Eric, il est obligé d'avoir un autre job à côté. Il a un job alimentaire, il est député. Eh oui, il est député du Haut-Rhin. Sinon, il ne peut pas s'en sortir, Eric, évidemment. Tiens, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un problème, ça, d'avoir deux jobs dans une société où il y a plein de gens qui n'en ont pas? Député, ce n'est pas un travail, pardonnez-moi. Ah ben, pourtant, vous êtes quand même rémunéré pour ça. C'est un drôle de raisonnement que vous tenez, là. Ben, si le sujet, c'est la réinsertion. Non, mais enfin, bon, là, c'est des raccourcis qui me paraissent... tout à fait irréaliste. Moi, ça me semble quand même vachement ressembler à la réalité, quand même. Ça pique une place à quelqu'un qui serait bien content d'être député, Mélanie, non? Je serais ravie d'être députée. Disques électropunk austro-hongrois, un petit mandat à l'Assemblée, voilà. Ou même le SDF en bas de chez moi, il connaît bien les réalités du terrain, puisqu'il dort dessus, le terrain. Ça, c'est de la logique, non, Eric? Mais non, c'est pas de la logique. Combien y a-t-il de débats? Enfin, écoutez, c'est pas du tout le débat. Vous voulez m'amener sur un sujet qui n'a strictement rien à voir. Ça ne m'empêche pas d'être présent. Je ne dis pas que vous faites mal votre travail. Je dis que vous en avez deux et que vous occupez du coup la place de quelqu'un d'autre. Mais j'assume. Et ben voilà, c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'assumer, de prendre ses responsabilités. Et en tant qu'électeur, on en a aussi des responsabilités. Alors aux prochaines élections, je vous propose de faire d'Éric Stroman un futur allocataire du RSA. Merci Guillaume Meurice. Pascal de Molon, oui. Je vous voyais atterré pendant le... Complètement, j'ai l'impression d'écouter un sketch. Il y a une phrase qui m'a traversé l'esprit, tu m'en veux pas si je cite. Que je t'en prie. Un extraordinaire monsieur qui disait j'arrêterai de faire politique le jour où ils arrêteront de faire comique. On est en plein dedans. Je vous assure, en écoutant ce dialogue, voilà, c'est extraordinaire les bottages en touche, les pirouettes, c'est extraordinaire. Nous, on travaille longtemps pour trouver des bandes. C'est-à-dire qu'ils demandent aux gens de reprendre pied avec le travail. Oui, selon une certaine distance. Mais lui, où est le pied avec la réalité? Oui, c'est ça. Il rapproche la misère sur des zones qu'il ne connaît même pas. C'est sa formule. Il dit, on veut les ramener au plus près. Au plus près de quoi? C'est que de la démagogie. C'est-à-dire que c'est insensé. Non, pardon, je veux pas aller faire des raccourcis, mais... vos raccourcis seront de toute façon plus longs que les siens. Il n'y a pas de problème. Pascal de Molon est avec nous sur France Inter. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. On est ensemble jusqu'à 18h. Tiens, le sujet numéro 2, l'Amérique. L'Amérique a un candidat dit socialiste, autant dire une curiosité. Le démocrate Bernie Sanders, 74 ans, récolte les voix de la jeunesse au détriment d'Hillary Clinton. Pourtant, être socialiste aux États-Unis, c'est considéré comme être d'extrême gauche, dangereux gauchiste. Donc, face à cela, écoutez le bras droit d'Hillary qui peine à convaincre une jeune électrice. Il y a des coups durs. On en a eu, vous en avez eu. C'est vrai? Bon, et à chaque fois, vous nous avez trouvés. À chaque fois, on a été là pour tout, pour n'importe mais quoi. Mais c'est le contraire. Regarde, les colonies de vacances, les mômes, qui est-ce qui s'en est occupé? Comment vous auriez fait? C'est vous. Eh ben alors? Mais ça suffit pas, Lino, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Mais ce qu'on veut, on veut la sécurité sociale, par exemple. Voilà. Patron, Je te dis, ne discute pas avec les communistes, mon Dieu. L'aventure, c'est l'aventure. Et oui, aux États-Unis, donc, les jeunes votent à plus de 80% pour Bernie Sanders et boudent Hillary Clinton. Bernie Sanders qui se définit vraiment comme socialiste, donc beaucoup plus à gauche qu'Hillary Clinton, qui est soupçonnée d'être plus proche des milieux d'affaires. Est-ce que vous regardez un petit peu, est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe aux États-Unis? Et ce Bernie Sanders vous séduit-il? Alors, monsieur Duir, je crois, enfin, pas pour le moment, pas encore, mais non, je me demandais pourquoi la jeunesse venait à lui, et je faisais un lien avec la petite chronique de tout à l'heure, là, sur les rappeurs. La petite chronique. Non, pardon, la petite chronique. Non, pardon, non, non, on va se calmer. Ça y est, je dirais. Pardon, trop, ça fait cher. Non, mais la petite, oh, pardon, ça y est. Mais non, parce que. Non, non, mais ça ne vous rattrapera pas, Mélanie Bauer. Non, j'ai adoré en plus la chronique. Donc, le lien. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir une grosse bagnole, il faut savoir la conduire aussi, dire à l'autre. Pour en revenir, je vous écoute. Non, non, mais. Donc, le lien avec le rap, Pascal. Non, mais je me suis dit que peut-être le type avait pondu un succès en rap, qui avait branché la jeunesse. Non, parce que. Moi, je connais que son visage. Mm-hmm. Et 74 ans. 74 ans. Il a la patate. Il en veut encore. Hein, il est sur les réseaux. Ouais. Il répond. Il est là, plus présent. À gauche que les autres. Et donc, il séduit une jeunesse américaine. Il est terroriste, donc, en gros. Hein, aux États-Unis. Ah, voilà. Parce qu'il prône l'égalité plutôt que le rêve américain. Ah oui, c'est un mec dangereux, quoi. Voilà. Étonnant. Hein, voilà. Il propose notamment d'augmenter les impôts des plus riches et des grandes entreprises. Et de rendre les universités publiques et la santé gratuites. Et voilà. Et donc, la jeunesse américaine s'enflamme pour Bernie Sanders. Donc, un sujet intéressant à suivre. Marius Colucci, la science. Oh là la là. Science est là. Ouf, et elle ne va pas nous quitter tout de suite, j'espère. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous parler du rôle du cerveau. Enfin, on va aborder évidemment, parce que ce serait trop court ici à l'antenne, le rôle du cerveau dans la santé. Alors, je traite évidemment des cas où vous n'avez pas besoin de chirurgie ou d'un vaccin. Pour la médecine moderne, elle considère que la meilleure machine pour réparer le corps humain, c'est le corps humain lui-même. Mmh. Et donc, les médicaments sont là pour favoriser l'auto-guérison du corps. Par exemple, l'ibuprofène, hein, ou le doliprane, ça sert surtout à atténuer la douleur, pas tellement à guérir. C'est pour ça qu'on peut en prendre, qu'on se soit foulé la cheville, ou qu'on se soit coupé le pied, ou qu'on ait mal au ventre, ou mal à la tête. Parce ou une cuite. Ou une cuite, voilà. Parce qu'en fait, ça guérit pas du tout. Ça soulage juste à la douleur pendant que le corps se soigne naturellement. D'ailleurs, le patient, c'est celui qui patiente. Il n'y a aucune hypocrisie de ce côté-là. C'est clair. Notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet placebo. C'est le fait de donner au malade un médicament qui n'a aucun effet, mais en lui disant que ça va le soigner. Et effectivement, ça marche dans 30% des cas. Alors, il y a eu pas mal d'expériences menées sur l'effet placebo, qui sont assez révélatrices. Dans l'une d'elles, le médecin dit au patient « Je sais exactement ce que vous avez, il faut prendre ça », et il leur donne un placebo. Et au deuxième groupe de patients, il dit « Oui, je crois savoir ce que vous avez, prenez ça, si ça va pas, revenez me voir ». Et il leur donne le même placebo. Eh ben, il y a deux fois plus de guérison dans le premier cas. Parce que le cerveau se dit, lui, il sait ce qu'il fait, je suis en de bonnes mains, et du coup, il passe du mode « je suis malade » au mode « je vais guérir », et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à guérir. D'ailleurs, ils ont constaté que plus le médicament a un nom compliqué, plus les gens guérissent. C'est pour ça que les génériques dont tu parlais hier, Guillaume, marchent moins bien, enfin ont moins la cote que les médicaments encore brevetés. En fait, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. C'est pour d'autres raisons aussi, c'est essentiellement financières. Oui, exact. Il y a moins de pubs sur les génériques, souvent. Ouais, on se demande qui fait la pub pour les autres médicaments, du coup. Pas de polémique. Alors, il y a un autre phénomène qui peut aider à comprendre l'importance du cerveau, c'est les hypochondriaques. Pascal de Molon, tu connais un peu les hypochondriaques, toi? J'en ai entendu parler, oui. T'es du genre à rentrer dans une pharmacie en demandant ce qu'ils ont de nouveau, non? C'est ça. Surtout en cas des promos, surtout, voilà. Alors les hypochondriaques, c'est ceux qui croient qu'ils sont malades alors qu'ils n'ont rien du tout, mais dès qu'ils entendent les symptômes d'une nouvelle maladie, ils disent « mais ça, mais je connais ça, je l'ai !» Voilà. Donc comme disait Groucho Marx, l'hypochondriaque, c'est celui qui marque sur sa tombe « je vous l'avais bien dit que j'étais malade !» Parce qu'en plus, c'est contagieux. Si un hypochondriaque croit qu'il est malade et qu'il tousse devant, par exemple, un autre hypochondriaque, le deuxième va se dire « ah le con, il m'a contaminé !» Et il tombe malade aussi, alors que ni l'un ni l'autre n'a le moindre germe. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'être hypochondriaque pour que le cerveau influe sur notre santé. Par exemple, le stress. Alors le stress, les comédiens, nous, on connaît un petit peu avec le trac. Mais dans la vie de tous les jours, mettons que dans votre travail, vous allez avoir une charge de boulot qui va être au-delà de vos capacités. Vous n'allez pas pouvoir la surmonter. Du coup, vous avez peur d'être viré, donc de plus gagner d'argent, donc de mourir. Parce que le stress, basiquement, c'est la peur de mourir au quotidien. D'ailleurs, c'est le mal du siècle, hein. Si vous prenez le marché des antidépressifs, c'est-à-dire 80% des médicaments vendus en Occident, que vous rajoutez à ça le marché de l'alcool, et que vous rajoutez à ça le marché des drogues, un petit peu dur de se faire une idée, mais voilà, vous imaginez, vous obtenez un des plus gros marchés au monde. Et le stress, c'est super sournois. Au début, c'est pas grand-chose, c'est juste une gêne, comme ça, c'est psychologique, mais ça vous empêche de bien dormir. Du coup, il y a de la fatigue qui se rajoute, et plus de stress, et plus de fatigue, et au bout d'un moment, bah, vous allez vous fouler bêtement la cheville, et là où ça devrait passer en 24 heures, vous allez rester 3 semaines au lit, à pas pouvoir marcher, faut appeler le médecin, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, le rôle du cerveau. Par exemple, dans certains accidents de voiture, à cause du choc, il y a des personnes qui se retrouvent paralysées des jambes, alors que leur moelle épinière est totalement intacte. Ah bon ? Mais leur cerveau leur a dit qu'après un accident comme ça, c'était plus possible de marcher. Et du coup, ils sont incurables, parce que le cerveau sait très bien quelque part que la moelle épinière, ça se remet pas, donc il refusera toujours de guérir. Alors ce que je vous dis, je ne l'invente pas, j'ai été voir des vrais médecins évidemment hein, pour parler de ces choses-là. Et avant de partir, avant de les quitter, je leur ai demandé à tous quelle est à votre avis la proportion de vos patients qui viennent vous voir juste pour un soutien psychologique et pas tellement pour un médicament. Et ils m'ont tous répondu plus de 9 fois sur 10. Ah, quand même. Et il y en a un qui est gynécologue dans le tas. Donc, je veux dire, c'est universel. Et ce que je suis en train de dire, ça veut pas dire du tout que la médecine, c'est de la merde. Au contraire, ça veut dire que le rôle du cerveau est tellement important que 9 fois sur 10, c'est lui qu'on doit guérir en premier avant de traiter les autres cas. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée du rôle du cerveau. Mais on se sent déjà mieux, merci Marius Colucci. Voilà, c'est pour ça que l'hiver, on est beaucoup plus malade que l'été, où au contraire, les médecins se barrent tellement il n'y a personne de malade, parce qu'on est tous en forme, on est la patate, et donc on n'est pas malade. Mais là, on est très en forme. Merci, merci docteur Marius Colucci. Tu en perds ton latin. Oui, c'est vrai. Et là, on est toujours avec Pascal Demolon, qui est très en forme, puisqu'il est sur scène, notamment ce soir au théâtre Tristan Bernard, dans Je vous écoute, et on va aborder le troisième sujet avec vous. Les acteurs français, trop gourmands en termes de salaire, ont été contraints de se calmer. Les professionnels du cinéma notent qu'en conséquence, ces acteurs font moins de caprices. Il y a de moins en moins de raisons de la ramener aussi, hein, par peut-être certains qui sont encore de la vieille école. Le film que je dois faire là... Jusqu'au bout, le film de Gabor Rajeski. Oui, c'est ça. Oui. Je crois que je n'ai pas à faire. Je vais vous demander de l'avertir. Mais c'est pas possible, le tournage débute dans 3 semaines, on a monté le film sur vous, Françoise. Mais c'est un film très sombre, j'ai besoin d'optimisme. Françoise, mais il faut pas réagir à chaud. J'ai envie de voir ma fille, de voyager. Il faut que je suive mon instinct. Mais on peut pas vraiment parler d'instinct, là. Restons professionnels. Mais vous n'avez pas de famille, vous vous consacrez uniquement à votre travail. Moi j'ai construit une vie, c'est différent. Ben ouais, mais il y a des gens autour de vous qui compte sur ce film, voilà, qui se sont battus depuis des années pour qu'il existe. Vous pouvez pas tout envoyer balader comme ça. Non, mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est pas vrai, ça s'arrête à quel âge, les caprices? Dans la série 10%, François Camille Fabien Cotin. Et Camille Cotin, tout à fait. Alors, depuis janvier 2015, le CNC, le Centre National du Cinéma, a limité les salaires et les subventions ne sont plus accordées aux films qui sont trop larges avec les salaires des acteurs. Donc, il n'est plus de bon ton d'être trop exigeant quand on est acteur. Il y a apparemment un changement de comportement. C'est 20 minutes qui nous le dit aujourd'hui. Est-ce que vous, qui faites partie de ce milieu du cinéma, vous avez observé des caprices? Est-ce que vous palpez? Vous avez observé ce ralentissement des exigences? Est-ce que vous avez un dos à nous balancer? Un truc que personne n'a entendu. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non. Écoutez, oui, mais de toute façon, oui, la rumeur circule et s'installe. Je dirais presque, effectivement... Les choses ont bien changé. Vous pensez faire une manif, un syndicat, quelque chose? Non, parce que... On ne pourrait pas l'étendre aux footballeurs, non? Ah, ça serait pas mal, ça. Oui, ah, oui. Il faudrait l'étendre à pas mal de castes, de domaines. Non, et alors, pour le coup, j'arrive au mauvais moment. Alors, moi qui commence à travailler un petit peu maintenant, c'est pas avec ça, j'achèterai le cabanon dans le sud. Vous auriez pu faire de votre diva et demander des M&M's bleus dans la liste. Ah, c'est sur les liners de tournées de concert. C'est-à-dire que vous pouvez demander plein de choses en plus de votre cachet. C'est la liste de vos exigences. La liste de vos exigences. Et pas mal de gens demandent des M&M's bleus. Comme ça, en rentrant dans la loge, si on voit que le type a trié jusqu'aux M&M's bleus, il sait que tout le reste du liner a été fait. Notamment le placement des lumières et tout ça. Donc c'est un caprice, c'est un certes, mais c'est un indice pour voir le travail de la salle. Vous en avez un? Vous avez une petite marotte, vous, Pascal Demolon? Écoutez, de mémoire, hein, comme ça. À part les putes et la coca. Oui, hein, d'accord. Ça, c'est normal. Normal, c'est contractuel, enfin voilà, c'est négocié dès le départ. Non, ça vous vient pas spontanément dans nous? Non, franchement, non, j'aurais même tendance à apporter les cafés aux copains si jamais un camarade n'avait pas le temps de le faire, qui était supposé le faire. Oh, le mec du bénévolat. Dit bien, oui, oui, c'est ça. Voilà. Je veux mériter mon salaire. Voilà. Et puis, il y a une petite hypocrisie encore là, quand même, parce que si les comédiens, on prend toujours les mêmes et qu'ils ont des énormes salaires, c'est parce que les banquiers qui influent sur les distributeurs demandent ces comédiens-là. Donc, si on leur nivelle le prix, ben, à un moment, c'est se foutre de leur gueule, quand même. C'est comme les footballeurs. Il y a toujours quelqu'un qui le gagne, l'argent économisé. Alors nous, on a un rôle gratuit à vous demander. On va pas vous payer, mais à la fin de chaque émission, on propose un sketch à on l'invité. On m'a menti alors. Vous jouez un rôle. Oui, un rôle, attention. Vous êtes le présentateur de ce fameux jeu auquel va participer Nathalie Kosciusko-Morizet sur TF1. Vous présentez l'émission et les candidats, et c'est vrai, c'est l'info donnée par Closer, ce seront Julien Lepers et Miss France Iris Mittenard qui seront sur le plateau. Nous sommes tous les candidats. Pascal Demolon, vous êtes le présentateur. On y va. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur TF1, bienvenue dans notre grand jeu, Action ou Vérité. Oui. Et sans plus attendre, voici nos candidats. C'est nous. Bonjour Nathalie de Paris. Bonjour Pascal, alors petite précision, je n'ai pas gagné Paris, c'est l'Espingouine qui a gagné. Voilà. Ah, dites-moi, alors quelle est votre profession Nathalie? Bah justement, j'ai été virée récemment. C'est pas grave, allez tout de suite notre deuxième candidat, Julien de Paris. Oh oui, c'est oui. Oui, alors Julien, vous travaillez dans quel domaine? Bah il a été viré aussi. C'est oui, il a été viré, c'est oui. Calmez-vous Julien, s'il vous plaît. Alors passons à notre dernière candidate, Iris, vous venez du nord de... du nord Pas-de-Calais, oui. Oui, bonjour, je m'appelle Iris et je viens du nord Pas-de-Calais. Oui, dites-moi, vous avez donc 23 ans et vous êtes Miss France 2016. J'ai 23 ans et je suis Miss France 2016. Et vous êtes virée, j'imagine. Ah bon? Ah bah, on m'avait dit que 2016, ça durait un an, moi. Allez, on y va pour le jeu. Youpi! Alors, première question pour Nathalie. S'il vous plaît, concentrez-vous. Je suis toujours concentrée, moi. Alors, première question. Quel est ce lieu de charme où l'on peut vivre de vrais moments de grâce et auquel on accède moyennant l'achat d'un ticket à 4 euros? Ah, c'est facile, j'ai le métro. Excellente réponse. Oh, oui, Nathalie, oui, bonne réponse. Le métro, je dirais. J'ai bon aussi, moi? Non, vous, ça sera la question 3. D'accord, la 3. Attention, deuxième question pour Julien. Oui, je prends la main. Alors, question internationale cette fois-ci. De quelle confession est le clan de Bachar al-Assad? Oh non. Nathalie? Alaouite. Bonne réponse. Alaouite. 4, Alaouite. Alaouite, la 8, mais on a passé la 3. Et ma question, alors, c'est maintenant, Iris, votre question. Ah. Comment appelle-t-on la partie colorée de l'œil? Ah, je sais pas. Nathalie, une réponse? Iris. Non, Iris. Mais je viens de vous dire que je savais pas. Hein. Iris, c'est la bonne réponse, c'est Iris. Génial, mais j'ai rien répondu pourtant. C'est donc Nathalie la gagnante. Oh oui, c'est oui. Bah, écoutez, pour une fois que je gagne. Mais attendez, je comprends rien, elle m'a dit que j'avais gagné. Merci beaucoup, merci à Pascal Demolon. Vous pouvez voir au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 30 avril dans Je vous écoute. Merci beaucoup Pascal. Mise en scène par Isabelle Nanty. Extraordinaire. Mais bien sûr. Voilà, avec Zoé Félix qui est merveilleuse. Et Benabar. Isabelle, voilà. Le mot de la fin à Didier Super. Il y en a marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre. Vous gâchez le bonheur des riches. Il y en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité.